Mardi 18 décembre 2012, bienvenue à cette émission de l'Aérospatiale, votre magazine entièrement dédié à l'univers des arts visuels. Raymond Poirier au micro, Jacques Gignac à la mise en onde, et on est avec vous avec plaisir jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Dernière émission de 2012, d'ailleurs, l'Aérospatiale prendra par la suite une petite pause estivale et reviendra à la mi-janvier prochain. Et ben pour bien terminer cette année, regard sur quelques expositions dont certaines d'ailleurs seront toujours en cours au fil de la semaine, voire même au-delà. Notamment, c'est le cas de Goodnight Dorothy. On portera un regard sur cette installation de BGL au Musée national des beaux-arts du Québec en compagnie de notre collaboratrice Dominique Savoie. Également, on portera un regard sur l'exposition solo de Francine Simonin à la galerie Lacerte. Alors, très intéressant métissage au niveau de techniques liées à l'estampe, liées à la peinture, liées au collage. On en discutera avec cette artiste qui a déjà derrière elle 40 ans de métier. Également de passage, une artiste qui, elle, commence et qui offrira à compter du 21 décembre sur le site web de la Chambre Blanche un jeu vidéo d'art visuel. Ça s'appelle Les Ailes de Camille. Et donc, vraiment un métissage entre les nouvelles technologies et des approches un peu plus artistiques. Alors, on discutera de la création de ce programme en compagnie de l'artiste Stéphanie Grenier. Également, évidemment, revue de presse, agenda et autres éléments au fil de l'heure. Et tout ça accompagné et bercé par la sélection audio de la semaine de Simon Roy. Simon, bonjour. Bonjour, Raymond. Et Simon, pour la dernière de l'année, là, tu nous amènes dans l'univers de Kid Fear Dive. Ben oui, c'est Kid Fear Dive. C'est un artiste de Baltimore. C'est Dave Kiefer. On le connaît aussi sous le nom de KJ House. J'en ai déjà fait passer un peu à l'émission. J'ai décidé de me gâter un peu pour la dernière de l'année. Kid Fear Dive, comme son alter ego KJ House, toujours vraiment des albums vraiment tordants. Moi, toutes les fois que j'écoute ce qu'il produit, ça m'accroche toujours un gros sourire dans la face à chaque fois. Fait noter, assez étrange, c'est un album qui est publié sur l'étiquette Funk. C'est une étiquette anglaise d'habitude qui est plus dans la musique électronique, mettons, ce qu'on pourrait dire régulière. Puis donc, un album assez expérimental, un peu surprenant de voir ça sur cette étiquette-là. Là, la question, c'est de voir dans ce cas-là, est-ce que c'est une ouverture de l'étiquette à un nouveau style de musique ou est-ce qu'ils ont trouvé d'une manière ou d'une autre qu'il y avait quelque chose dans le son de Kid Fear Dive qui correspondait donc à ce qu'eux cherchaient? C'est ça, je crois qu'ils se sont laissés charmer par l'album puis ont fait une petite entorse à la musique qui passe d'habitude. Il faudrait qu'il y en ait plus qui fassent ça. Ben oui, c'est ça. C'est assez incroyable. L'artiste, donc, joue du piano, banjo et d'autres instruments, puis il remixe ça, il tord les notes pour réussir à faire quelque chose de... Souvent, on reconnaît même pas les instruments. Donc, ben c'est ça, l'album est éponyme, est intitulé Kid Fear Dive. On va débuter avec la première pièce, Q for Quoi. Les auditeurs vont comprendre tout de suite de quoi je parle en entendant la première pièce. Et donc, ça va nous amener donc dans cet univers tordant-là, et Simon pourra découvrir aussi justement ce qui te fait te tordre positivement, évidemment. Et par ailleurs, est-ce qu'on t'entend toujours pendant le temps des fêtes à Web Music? Oui, il n'y a aucune pause. Donc, Web Music est là comme toujours, à 21h à tous les dimanches. Et ben nous, on se dit ici à l'Aérospatiale, évidemment, à l'année prochaine. Ben oui, joyeux temps des fêtes. À toi. Et ben, donc on écoute Illico. Donc ce premier extrait pour se mettre en tête et mettre en musique les paroles que Simon Roy et les indices que Simon Roy nous a donnés. Alors on écoute Q for Quoi de Kid Fear Dive. Thank you. Et voilà donc un premier extrait de la formation Kid Fear Dive, et on aura l'occasion d'entendre d'autres extraits d'ailleurs au fil de l'émission. Et si déjà vous êtes accroché, vous avez envie d'explorer, comme on le dit à chaque semaine, on vous présente des extraits pour un petit avant-goût, pour vous donner envie d'aller écouter l'album également. Et tout ça est disponible en téléchargement gratuit sur le web, c'est l'habitude de Simon Roy. Alors vous trouvez ça, les liens seront un peu plus tard aujourd'hui sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com, et également vous y trouverez les liens vers les articles dont on fait mention dans notre revue de presse hebdomadaire. Et d'ailleurs, ben, en fait, au cœur de l'actualité des arts visuels cette semaine, ben, c'était le Gala des arts visuels 2012, donc deuxième édition de cet événement organisé par une association de galéristes québécois montréalais. Et notamment, ben, en fait, on a remis plusieurs prix. Rapidement, on parle de meilleur commissariat dans la catégorie commissaire émergent de l'année. Alors, c'est David Lafrance qui a obtenu ce prix pour l'exposition Ouvert la nuit au musée régional de Rimouski. D'ailleurs, en fait, une exposition qui a été bien appréciée par le jury, puisqu'elle s'est aussi méritée la catégorie de meilleur, le prix meilleure exposition hors Montréal. Alors voilà, David Lafrance, Ouvert la nuit. Pour ce qui est de meilleur commissariat en général, eh ben, c'est Chronique d'une disparition de John Zepetelli à DHC qui a obtenu ce prix. Meilleur article critique auteur de l'année, c'est Marie-Ève Charon pour son article dans Le Devoir sur le monde foisonnant de Patrice Duhamel. Et quand on parle d'un essai, eh ben, c'est Anne-Marie Ninax qui a eu le prix pour Désirer voir, un article qui portait sur le mois de la photo à Montréal. Et puisqu'on est dans les publications, ben celle qui a obtenu le prix de la meilleure publication pour 2012, c'est une publication de Catherine Bolduc intitulée Geneviève Goyer-Ouimet, Catherine Bolduc et plusieurs autres sur Mes châteaux d'air et autres fabulations, donc autour d'expositions liées au Centre Expression. En art public, une exposition dont on a parlé ici à l'Aérospatiale, qui a fait d'ailleurs controverse, notamment via certains médias et certains chroniqueurs. C'est l'exposition, en fait, l'installation, l'œuvre « Mélanger le tout » de Cook Sasseville, qui est présentée à Montréal au Centre communautaire Jean-Claude de Malépart, donc des mixeurs géants. Alors, ça a obtenu le prix Art public 2012. Pour ce qui est de la meilleure manifestation publique, eh bien, c'est la Triennale québécoise 2011 du Musée d'art contemporain de Montréal qui a été récompensée. Pour la meilleure exposition institution muséale, eh bien, c'est le Musée d'art contemporain de Montréal avec son exposition sur Valérie Blas. Pour ce qui est des centres de diffusion municipale, centres culturels et centres d'exposition, c'est la Maison des arts de Laval avec Du haut de mon sous-sol d'Éric Lamontagne. En centre d'artistes autogéré, c'est l'exposition d'Optica, le centre d'art contemporain. Donc, archives féministes, archiver le corps, une exposition collective qui a obtenu le prix. En galerie privée, c'est la galerie Parisian Laundry pour l'exposition Split d'Alexandre David, et qui a obtenu donc la récompense. Alors voilà pour le Gala des arts visuels 2012, et on imagine que l'initiative sera récurrente et reviendra pour une troisième édition l'an prochain. Sinon, rapidement, quelques petits clins d'œil, notamment le premier 1% performatif de l'histoire vient de commencer à Montréal, donc c'est intéressant. On sait qu'il y a cette loi du 1% qui dit, ben regardez, il faut mettre une œuvre d'art à l'intérieur de la construction de tout nouvel édifice qui inclut de l'argent public. Notamment, eh bien, en fait, donc, le Centre 222 a choisi d'intégrer ce 1%-là, mais dans un cadre performatif. Et donc, il y aura l'artiste Thierry Marceau qui offrira une œuvre sur 5 ans. Donc, une série d'interventions et une manifestation majeure par année. Donc, il y aura notamment, depuis mercredi 12 décembre dernier, une phase 1 habitée où l'artiste, donc, a quitté la scène du Théâtre Outremont au Gala des arts visuels pour aller séjourner dans les vitrines du 222 jusqu'au 15 décembre. Et ensuite, il y aura donc une série d'autres tableaux qui seront organisés. Donc, une idée quand même assez intéressante. Sinon, vous avez le musée de Mannheim en Allemagne qui a exposé la plus ancienne photo du monde, un point de vue du gras du français Nicéphore Niépce, qui date de 1826. Ça faisait un demi-siècle qu'elle n'avait pas été montrée en Europe, donc quand même. Vous avez aussi une nouvelle qui fait beaucoup parler au fil des médias. C'est le président-directeur du musée du Louvre à Paris, Henri Lorette, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat après 12 ans passé à la tête de ce grand musée, en fait le plus grand musée du monde. Alors il a annoncé hier à la presse, en fait, donc cette décision. Il a 60 ans donc, et il a évidemment par son poste influencé l'évolution de ce musée, l'intégration d'un deuxième Louvre. On en a parlé il y a quelques semaines à Lens, amorcé également un projet d'un Louvre hors France. Donc plusieurs projets à Abu Dhabi pour le Louvre hors France. Donc ce sera intéressant de voir évidemment quelle influence sera le nouveau directeur général de ce musée-là et si aussi ben ce musée-là sera intégré des nouvelles tangentes qui seront peut-être précurseurs ou dans les nouvelles justement manières de faire dans la présentation muséale aujourd'hui. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à surveiller. Et en terminant, il y a quelques semaines, on vous avait parlé d'un homme qui avait vandalisé une toile du peintre expressionniste abstrait Marc Rothko. Il avait écrit son nom sur l'œuvre pour augmenter la valeur de celle-ci. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été traduit en justice pour cet acte de vandalisme-là, et il a été condamné donc jeudi dernier 2 ans de prison donc pour avoir vandalisé cette toile. Alors voilà pour la revue de presse. Je vous rappelle que les liens seront tous sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Et on part maintenant vers une nouvelle pause audio. Un autre extrait de l'album éponyme de Kid Fear Dive. On écoute Hero Robot Repair Self. Toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes du 89.1 CKRL et présentement la galerie Lacerte sur la côte d'Inan jusqu'au 23 décembre prochain. Vous avez l'occasion d'aller voir les productions récentes de l'artiste Francine Simonin et on a le plaisir de l'avoir avec nous pour nous parler justement un peu de cette récente production. Madame Simonin, bonjour. Bonjour. Et il faut dire en fait une production qui vient ajouter de nouvelles œuvres donc à votre cursus déjà impressionnant. Vous avez une quarantaine d'années de métier derrière vous vous produisez toujours d'ailleurs à 76 ans une pratique artistique très active. Plusieurs des œuvres qu'on voit qui datent de 2012 l'esprit de création continue d'être très présent chez vous là et très nécessaire aussi. Oui bien sûr. Je travaille en peinture quand je suis à Montréal dans mon atelier et en gravure quand je suis en Europe dans un atelier de Suisse avec lequel je travaille depuis 50 ans et qui a une immense presse avec qui j'ai atelier avec le taille-outil avec qui je fais des collages, des empreintes, beaucoup d'épreuves que je fais sur place à l'atelier, alors que la peinture je la fais toute seule chez moi dans mon univers très très fermé, très privé, très beau, immense atelier avec une lumière du nord, enfin bref, Ces jours, c'est magnifique parce que comme il y a de la neige, je sais pas si vous en avez à Québec, oui. Mais à Montréal, c'est absolument superbe, c'est tout blanc. Et ça donne une très, très belle lumière. Et c'est des moments que je trouve de privilège d'avoir cette douceur de qui se répercute de sur les murs de l'atelier. C'est merveilleux. C'est magique. Et j'aime bien, Mme Simonet, le terme que vous avez utilisé, douceur, parce que j'avais l'impression, en regard de ce que vous présentez présentement à la CERT, comparativement à d'autres, je pense en 2009 notamment, toujours à la CERT, j'ai l'impression que la série, que les séries que vous présentez, on retrouve des couleurs à la facture peut-être un peu plus douces, à défaut d'un meilleur terme, que dans vos productions précédentes, dans le choix des tonalités, dans le type de trait même, à la limite, là, qu'on va retrouver là-dessus. Oui, parce que j'ai utilisé pour ces gravures, j'ai utilisé des tons très transparents et qui rendent les choses très très douces, très très lumineuses et très douces. J'ai aussi fait un travail sur l'eau, puisque j'ai travaillé majoritairement les nomades et les lacs. C'est le lac Léman qui change de couleur à chaque 2 minutes, mais qui a toujours des couleurs assez douces. Donc c'est vraiment le choix des thèmes, les ambiances que vous aviez envie de représenter qui ont amené un peu cette évolution, oui, un peu de votre travail. Oui. Vous savez, c'est aussi un ressenti qui est... Mm-hmm. qui date de très longtemps, parce que je suis native des bords de ce lac, et voilà, je le connais comme ma poche. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'était à un moment donné, j'ai envie d'interpréter comme des images d'enfance. Il y a un mélange de passé, de présent et d'avenir C'est ça que je cherche. Je cherche à donner une consonance qui soit aussi bien nord-américaine, québécoise que suisse romande, d'où je viens. Et c'est ça que je cherche. Un peu un alliage entre vos identités à vous aussi, entre oui. Le Québec et la France, dans le fond. Mais oui, exactement. C'est tout ce côté. Pour moi, je donnais. Les passeports, c'est un petit peu quelque chose dont on sert une fois par année quand on voyage, que je voyage, en tout cas moi. Mais à part ça, le passeport, pour moi, ça veut rien dire. Il y a la famille des peintres et des graveurs et des artistes qui font de la création en 2D ou en 3D. Ben c'est ça, ma réelle famille. Et c'est intéressant qu'on parle aussi de déplacement, parce que justement il y a une série d'œuvres qui sont liées au lac Léman, justement la série Le Lac. Il y a la série aussi dans les sables, dans le sable Nomade, oui, et sur le sable. Et on voit quelques séries aussi, quelques œuvres de la série Foscoa qui est liée à l'un de vos voyages, parce que je crois que les voyages et les ambiances que vous découvrez dans certains déplacements, oui, ça vient vous inspirer aussi. J'ai beaucoup de l'Espagne m'a beaucoup inspiré. Foscoa, c'est le Portugal où je suis allée très peu. Je n'ai jamais marché dans la rivière du Foscoa où sont les œuvres gravées, mais j'ai vu des images là-dessus. Vous savez, j'ai la télévision, surtout quand on la regarde la nuit, on tombe parfois sur des très beaux reportages. Et voilà, je regarde ça, je reste impressionnée. Si je les vois deux fois ou trois fois, ça m'impressionne énormément. Et puis ça fait courir ma mémoire à moi personnelle de ce que j'ai visité, le centre de la France, les Asies, toutes les reproductions statuaires et gravées de nos ancêtres de 20 000 ans. Oui. Et ça m'avait beaucoup impressionné. J'ai toujours été un peu dans ce chemin de la réminiscence, de la reconnaissance de quelque chose d'ancien qui était en moi, peut-être un acquis que j'ai eu aussi en enfance, parce que j'avais des parents qui m'intéressaient beaucoup à l'art, qui étaient intéressés par l'art et qui m'ont intéressé à l'image. Et bon, il y a eu un petit peu tout ça, ce mélange de formation avant l'école et après l'école. J'ai fait les beaux-arts, et voilà. Puis tout ça, c'est un petit peu cristallisé sur des sujets que j'aime bien. J'aime beaucoup l'eau. Alors, j'aime la mer, j'aime l'océan, j'aime le lac, j'aime les rivières. Et puis, j'aime les nuages, j'aime le ciel. J'aime tous les éléments de la vie. En fait, je travaille depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup plus sur le paysage. Le paysage inventé qui est une ressource d'image ancienne. OK. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de travail autour de la notion du corps. Vous travaillez notamment avec des modèles vivants et tranquillement, on est allé, on a ouvert un peu vers l'environnement, vers la notion de paysage, vers les lieux qui sont habités par l'humain ou fréquentés par l'humain, dans le fond. Exactement, exactement. Et je pense que c'est ce passage dans la préhistoire, dans les années 70, qui m'a fait comme un petit peu évoluer dans le domaine de la représentation du corps à celle de la représentation du sentiment de l'âme devant un spectacle. Oui, parce que quand on voit vos œuvres, et j'invite les gens justement à aller y profiter justement de l'occasion pour le faire chez Lacerte, c'est des effets visuels plus que des représentations de lieux. Dans le fond, c'est des représentations de votre perception que vous avez du lieu. Exactement. Et ce qui fait qu'on est dans le sentier, on est dans les motifs purs. Oui, parce que dans le fond, de représenter la réalité, ça m'ennuie. Je pense que les photographes sont beaucoup plus, mieux. Ils sont plus justes, ils sont plus vrais quand ils veulent représenter la réalité. Moi, je veux pas représenter une réalité, je veux représenter une émotion qu'on a devant un paysage. Et en même temps, quand on parlait de douceur, justement, ben ça appelait, c'était des souvenirs, c'était des lieux qui appelaient peut-être à des traits plus doux, à des couleurs plus douces, à des souvenirs peut-être plus doux que d'autres œuvres où je me rappelle notamment certaines avec des couleurs très très vives, des rouges très denses, des noirs très présents, des traits plus gros, plus larges. Donc, c'est tout dépendant, dans le fond, du sujet auquel vous vous intéressez, peut-être. Oui, il y a d'abord les sujets, puis il y a aussi ce que je vis, moi, dans l'instant, dans ma vie personnelle, qui est comme celle de tout le monde, avec des hauts et des bas. Il y a aussi ce reflet de la couleur que j'utilise en ce moment. Je travaille comme le temps était plutôt morose à Montréal au mois de fin septembre, octobre, novembre et décembre, jusqu'à ce que la neige vienne. Il y avait beaucoup de gris différents dans l'espace montréalais. Les ciels étaient confondus avec les routes, les trottoirs, les immeubles, le béton, tout ça était assez dans les tons de gris et de noir, avec des intersections de blanc là-dedans. Et je suis en train de travailler là-dessus sur une série que je n'ai pas encore nommée, mais qui est gris, noir, blanc. Alors les gris sont bleutés, ils sont rosés, les noirs sont profonds, ils sont rouges, ils sont bruns, ils sont bleus, les blancs sont teintés aussi, ils deviennent roses ou beige, ou brun pâle. Enfin, je cherche une gamme de pigmentation qui, d'un fond, est le repère de mon sentiment de l'environnement, de l'éclairage, de tout ce qui se passe autour de moi et puis peut-être aussi à l'intérieur de moi cet automne. Et Francine Simonin, à l'intérieur, on a beaucoup parlé du travail de couleur et pour le bénéfice des auditeurs aussi, je pense que c'est important d'ajouter à ça le travail que vous faites au niveau des textures, le travail de collage. Donc, c'est vraiment un métissage, en fond, ce que vous présentez. Donc, il y a de la pointe sèche, il y a de la peinture sur certaines, il y a donc aussi du collage sur différents types de papier. On joue beaucoup avec Exactement. Ces éléments-là aussi, là. Je superpose des collages sur lesquels j'imprime l'impression. Des fois, c'est une impression de retouche d'une plaque qui a déjà été imprimée puis qui est repassée à de décharge, comme on appelle. qui est imprimé sans encre. Il y a où il y a un léger film d'encre qui reste, mais où toute l'encre a été déchargée sur une autre épreuve. Et puis je travaille là-dessus pour remettre des collages et pour refaire une impression différente, alors qu'il restera l'impression de surface. Mmh. Et ça donne en fait doublé avec le travail à la pointe sèche que vous faites aussi. Ça donne vraiment une impression de profondeur, de relief, je trouve, au paysage émotif que vous nous présentez. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup de dire ça. Je suis très très contente que vous l'ayez, que vous me passiez la remarque, parce que c'est ce que je cherche. Je cherche à avoir des distances entre la forme, la suggestion de la forme ou la forme elle-même, qui est en principe en surface, et le fond qui amène cette forme. Donc ça crée un espace intermédiaire, un deuxième plan ou un troisième plan par rapport au premier plan. Et à cela, les lignes noires, justement, qui sont très présentes, j'avais l'impression, en fait, que ça venait apporter aussi beaucoup d'organisation dans la manière dont on observe l'œuvre, un peu comme si vous nous guidiez, justement, à travers les formes, et que ça venait organiser les couleurs, les textures, les éléments que vous mettiez à l'arrière de ça. Oui, ça doit. Je veux dire, le trait de structure de tête de la pointe sèche qui est en surface, il doit nous guider... ou pour cerner une couleur, ou pour la couper, ou pour la renvoyer dans le fond, ou pour l'amener en surface. C'est un petit peu ça que je recherche. Quand c'est réussi, c'est que tous ces éléments sont mis en bon ordre, et puis que de l'ordre qui me satisfait, ma vision et mon désir, et qui me font plaisir, parce que le travail, c'est pas un repas qu'on mange quand on a faim, c'est un repas qu'on mange parce qu'on aime manger. C'est ça le travail. Je pensais à ça parce que j'ai vu toute une émission sur les cuisiniers cet après-midi, et des cuisiniers qui disaient, un cuisinier qui, entre autres, qui disait: je fais ce métier parce que je l'aime, c'est pas parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Oui, ça, bon, c'est clair que ça existe. On a tous besoin de gagner notre vie, mais on fait un travail qu'on aime. Moi, je fais un travail de création. Je l'aime. Je suis charmée par ce travail. Quelquefois, je suis angoissée. Je n'en peux plus. Je le déteste. Mais j'ai un rapport amoureux avec le travail. Et comme on est dans l'émotion, ben nécessairement les gens qui l'observent, justement, vont aller chercher une part de ce senti-là aussi, de ce ressenti, parce que si on est dans vos perceptions, faut qu'il y ait un amour de ce que vous préparez pour que on sente qui se crée une intimité peut-être entre l'observateur et l'œuvre, dans le fond. Ben j'espère que j'arrive à suggérer ça chez le regardeur, parce que c'est ce que moi c'est tout. D'ailleurs, ce que j'expose, c'est des choses qui m'ont plu, que j'ai aimé faire. Donc, j'ai envie que les gens participent. Quand on vient me dire à la galerie, une ou deux personnes qui se sont approchées de le jour du vernissage, qui m'ont dit: ah, j'aime ce que tu fais, ou ça me plaît pour telle et telle raison, j'ai un sentiment devant moi, ça me plaît beaucoup. C'est les phrases les plus importantes. Je pense que les phrases intellectuelles, elles valent pas pipette. Alors, on invite les gens à aller découvrir ou à aller continuer de vous suivre si vous connaissez déjà, puisqu'on parle quand même de 40 ans de carrière et un corpus d'œuvres assez impressionnant qui est derrière vous et d'autres, évidemment, bien devant vous aussi. Donc, on a jusqu'au 23 décembre pour voir tout ça à la galerie La Certe. Francine Simonin, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir. Alors voilà donc Francine Simonin qui est exposée à la galerie La Certe. On prend une courte pause. À venir, Dominique Savoie et Stéphanie Grenier. CKRL 89.1 Québec. Bienvenue au bulletin nouvelle du 4 octobre 1900. 1957, l'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Sputnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Sputnik... Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Alimentation GD vous offre un très grand choix de bières importées et de microbrasseries à des prix compétitifs. Nous avons plusieurs bières au prix minimum permis par la loi. Venez le constater par vous-même au 503e Avenue Limoilou chez Alimentation GD. 418-529-3744. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Alors, toujours sur les ondes de CKRL, vous êtes à l'écoute de l'aérospatial. Raymond Poirier au micro, Jacques Gignac à la mise en onde. On est avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle, si vous voulez nous suivre sur Facebook, eh ben, c'est possible. facebook.com/l'aérospatial. Devenez adepte de votre émission préférée dédiée aux arts visuels. Et on fait un peu de rattrapage. En fait, on a parlé le mois dernier de quelques-unes des acquisitions récentes du Musée national des beaux-arts du Québec. Et évidemment, on se prépare pour le temps des fêtes et donc on cherche des choses qu'on peut voir pendant le temps des fêtes. La plupart des centres d'artistes prennent une pause. Il nous reste les musées. Et notamment, ben, si on passe par le Musée national des beaux-arts, ben, c'est possible de voir quelques pièces, même gratuitement. Donc, simplement au détour d'une marche. Et donc, on a envoyé se promener là-bas notre collaboratrice Dominique Savoie. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Et on t'a envoyé aller voir un casque de Darth Vader. Ouais, on est allé. En fait, je suis allée voir l'œuvre de BGL qui s'appelle Good Night Dorothy. Donc, c'est une œuvre qui date de 2006, mais que le Musée national des beaux-arts du Québec a acquis durant la dernière année. Donc, soit 2011-2012, là, je peux pas avoir la date exacte. Donc, c'est une œuvre récente acquise par le musée et qui est exposée présentement à la rotonde du rez-de-chaussée de la du pavillon Gérard Morissette. Donc, c'est vraiment au rez-de-chaussée, dans l'espèce de... Dans le coin des collections permanentes, accessibles de manière générale. Oui, c'est ça. Donc, c'est une aire publique gratuite qui n'était pas exploitée jusqu'à très récemment. Et il y a quelques années, on a décidé d'en faire un endroit pour, permettre d'exposer les nouvelles acquisitions du musée, surtout des acquisitions québécoises. Dernièrement, il y avait Claudie Gagnon, là, qui avait exposé là. Et c'est intéressant comme concept parce que justement, il y a peu d'occasions de donner une seconde vie. Des fois, j'ai l'impression, à des productions quand même assez imposantes parce exactement que c'est pas petit. Et des productions d'ici aussi est quand même plus récentes parce que parfois, ben, ça manque un peu dans l'institution muséale. Ce qui arrive, c'est qu'au musée, ils ont toute une collection d'art actuel et contemporain, sauf que c'est une rotation, donc ils vont les placer dans des expositions précises et non de façon permanente comme celle qu'on peut voir là, justement, mm-hmm, quand on va au musée. Et dans ce cas-ci, donc, c'est une œuvre de BGL. Et c'est ça. Il y a un côté, en fait, évidemment, on a parlé d'un casque de Darth Vader, on pense à Star Wars, il y a un côté ludique d'emblée oui, qui... Ben, si on connaît moindrement le trio BGL qui est constitué de Jasmin Blodeau, Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière, ben, on le sait d'avance que c'est un trio qui nous donne beaucoup dans l'humour, justement. Souvent, on est dans le côté espiègle. On est souvent aussi dans le rappel du jeu ou même des souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose de très accessible, très rigolo, très amusant. Aussi, un peu pied de nez parfois. Là, dans ce cas-ci, on présente bien évidemment une célébrité du film, de la série de films de science-fiction Star Wars. Donc, bien sûr, juste en regardant le casque, on reconnaît le personnage qui est Darth Vader. En fait, c'est une icône. Ça a dépassé même la notion du film et c'est devenu une icône de la culture pop des 30 dernières années. Ben, c'est un peu dans ce registre-là qu'on joue aussi. C'est ça. C'est devenu une icône. C'est devenu aussi un objet mercantile. Hein. On en fait des figurines. On en fait une image qui évoque quelque chose. Donc, on a pris ce personnage-là et c'est comme si, en fait, l'œuvre le présente comme s'il s'était liquéfié. Donc, on a un casque qui est dans le casque de Darth Vader qui est comme en train de, en fait, tranquillement de fondre, oui, mais en fait le costume est fondu, mais c'est comme s'il plongeait tranquillement dans cette mare noire qui constitue, on suppose, le costume et peut-être même le corps de Darth Vader. Donc on reconnaît le personnage juste par le petit bout de casque qui reste parce que c'est pas la totalité. Et cette grande mare là noire plastique est très justement très vibrante là avec la façon qu'ils l'ont présenté aussi les lumières là donnent vraiment là tout le côté là très lustré là donc ça rappelle un peu le côté justement de la force obscure là du personnage et c'est ce qui est présenté quand on arrive devant dans la rotonde. C'est tout ce qu'on voit en fait, c'est il y a un podium et cette œuvre-là. Bien sûr, ça fait rire. Là. Moi, je pense que c'est la première réaction. La première réaction, on est comme, voyons, c'est quoi ça? Puis moi, la fois que je suis allée, il y avait un groupe de jeunes du secondaire. Donc, là, c'était complètement chaotique. Les jeunes étaient impressionnés, ça riait. C'est sûr que des fois, il fallait les surveiller parce que ça avait même envie d'aller toucher à l'œuvre. Mais c'est réussi. L'effet est spontané. On rit, puis on s'intéresse, puis on veut savoir qui le fait. Donc, sur ce point-là, c'est un des points gagnés par BGL, parce que ceux qui ne les connaissent pas vont apprendre à connaître le trio. Et bon, parce qu'on fait référence à une icône d'un film qui sont plus que connus, donc on n'a même pas besoin de nommer la série, automatiquement, on se rappelle de l'œuvre. Pour aller un peu plus loin, c'est sûr qu'on disait tout à l'heure que c'est un trio qui va beaucoup dans l'humour, dans le côté justement. Mais un petit côté caustique aussi. Oui, justement. Exactement. Donc c'est irrévérencieux. Y a rien de gratuit, c'est un peu. C'est ça, effectivement. Donc on fait fondre l'icône. On se rappelle que cette icône-là, c'est l'icône du côté obscur. Hein. Donc c'est aussi un père. Hein. C'est le père de Luke Skywalker. Donc on va même pousser à penser à la paternité. Donc, c'était une icône paternelle, mais plutôt ratée. Mais l'effet est là aussi, là, liquéfié, fondu sur place. Donc, on joue dans le fond sur différents niveaux d'interprétation. Exactement. Est-ce qu'on prend Darth Vader comme une icône paternelle, comme une icône du mal, comme une icône mercantile? Exactement. Parce que tout le côté, justement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Dominique Savoie, le côté racoleur aussi de cette série-là qui a été détourné en cours de route pour devenir où l'était dès le départ pour devenir un outil à production de jouets. Et donc, la récupération de ces thématiques-là, c'est etc. C'est le fait de jouer sur ces différents registres-là qui fait de l'œuvre, justement, une belle réussite. Puis, ce petit côté caustique, justement, irrévérencieux, là, qui est propre aussi un peu à l'œuvre de BGL, ben on le retrouve bien là-dedans aussi. Le fait d'utiliser, justement, c'est quand on pense à Darth Vader, c'est automatiquement on pense au casque, c'est le symbole du personnage, c'est tout ce qu'on a mis et tout de suite c'est réussi avec la couleur, bien évidemment le noir là plastifié, je crois que c'est fait justement en vinyle, donc ça rappelle bien. Et le fait qu'on laisse à l'interprétation comme ça, ben justement ça, j'imagine ça ajoute à la richesse, il y a pas de guide de voici ce qu'on cherchait à faire avec exactement. Ça. Exactement. On laisse libre, ça nécessite le petit café à la limite pour en jaser. Là, c'est t'sais. Ça puis ben, en fait, tu sais, on n'a pas besoin non plus d'en jaser trop longtemps parce que tout de suite, on comprend. Puis ça, c'est une des choses qu'on aime de BGL. On n'a pas besoin de lire trois livres pour réussir à comprendre le sens de l'œuvre. C'est ça, il y a l'effet de départ, donc exactement. Le rire, le côté ludique. Ensuite, on passe au deuxième sens, à l'aspect plus réflectif, constat, caustique. Oui, exactement. Et donc, on peut faire l'adéquation facilement entre les deux, garder l'effet, garder le souvenir d'avoir apprécié ce moment-là, puis ensuite Tout à fait. Puis on part toujours avec BGL, souvent on part d'un côté justement qui rappelle un souvenir, tu sais, ou un jeu. Il y a toujours ce côté qui vient, qui est facile d'approche pour arriver justement, comme tu dis, au deuxième niveau. C'est vraiment spécifique à leur œuvre. C'est ce que moi personnellement j'aime. Puis je fais juste un petit croche en fait, puisque BGL a offert, donc en fait le musée a acquis cette œuvre là, mais il faut savoir aussi que BGL en a conçu une deuxième version, cette fois-ci blanche, qui s'appelle Born Again, un an après à peu près. Donc, c'est exactement la même œuvre, mais blanche. Il y a seulement une petite touche de noir sur le casque qui rappelle donc justement le côté obscur du personnage, là, comme s'il n'était pas tout à fait effacé de la mort. Donc, je trouve ça drôle de savoir qu'il y a aussi son pendant, disons, justement, presque pur, entre guillemets, qui existe dans une autre galerie ou un autre musée, là, à quelque part. Alors, ben, on invite les gens à aller faire un petit tour. L'œuvre est là jusqu'au 20 janvier 2013, bien évidemment. Donc, il nous reste encore quelques semaines. Donc, on profite du temps des fêtes pour aller y faire un tour. Ça vaut la peine. Et Dominique Savoie, on t'en souhaite un bon. Ben, merci à toi aussi. Et à l'année prochaine. Oui. Alors voilà donc, regard sur l'œuvre Good Night Darty, qui est présentée dans la rotonde du Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'à la mi-janvier. C'était une chronique de Dominique Savoie. Et nous, ben, on part en pause audio. On écoute un extrait de l'album éponyme de Kid Fear Dive, toujours une suggestion de Simon Roy. On écoute un extrait de la pièce New Wasp Dub. Et maintenant, on se dirige vers la Chambre Blanche et également vers le site web de la Chambre Blanche. Pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'à tout récemment, donc il y avait une résidence dans le laboratoire web de la Chambre Blanche, une résidence de l'artiste Stéphanie Grenier. Cette résidence-là s'est terminée cette fin de semaine et mènera dès le 21 décembre à la présentation et la disponibilité en téléchargement d'un jeu vidéo lié aux arts visuels qui s'appelle Les Ailes de Camille. Et bien, puisque c'est disponible pour le temps des fêtes et puisque c'est un concept qui nous intéresse, on a invité Stéphanie Grenier pour nous présenter justement tout ça. Bonjour. Bonjour. Et alors d'emblée, la grande question en fait, pourquoi un jeu vidéo pour votre résidence de création à la Chambre Blanche? Eh bien, je dirais que premièrement, je ne suis pas une personne qui joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est une idée qui m'est venue tranquillement au cours de l'été lorsque j'ai rencontré une personne qui m'a partagé vraiment cette passion-là puis qui m'a fait découvrir des jeux très différents de ceux que j'avais en tête au départ. Donc, j'ai découvert des jeux beaucoup plus avec un but autre qu'un but de violence souvent ou... En fait, des préjugés qu'on peut avoir quand on connaît moins le style, par exemple. Oui, exactement. Donc, j'ai rencontré des jeux beaucoup plus esthétiques, qui étaient très près des arts plastiques avec du dessin, presque de l'encre. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de... Ça m'a comme vraiment inspiré par la suite à faire... une création. Oui, parce que ça devient un peu un défi, justement, d'essayer de voir quels éléments on peut intégrer là-dedans pour que ça devienne un médium artistique, dans le fond, et pas seulement un médium ludique. Oui, exactement. Donc, moi, comment que je m'y suis prise, c'est que j'ai utilisé... le jeu vidéo est fait à l'encre de Chine. Mm-hmm. Et puis, c'est un univers qui est très minimaliste. Ça se déroule dans un monde qui est très blanc, immaculé. Ça rappelle un peu aussi des scènes d'hiver avec des petites traces de pas que le personnage laisse derrière lui. Et puis, le but aussi du jeu, c'est simplement un envol. Donc, le but du petit personnage qui est féminin, c'est d'attraper des plumes et éventuellement de s'envoler et de pouvoir bouger partout à travers le jeu comme ça. Et je pense que le terme méditatif présente bien justement l'aspect d'une ambiance calme, une ambiance méditative, épurée, minimaliste, presque une ambiance qu'on pourrait rattacher à un univers rêvé et fantasmé. Oui, exactement. Ça, je dirais que ça fait vraiment partie de ma démarche, en fait, ce mot méditatif, puis ce mot l'esprit du rêve aussi est très présent, malgré que j'osais pas trop utiliser ce mot, puisque je trouve qu'il est déjà beaucoup surchargé dans les arts visuels, le mot onirique et du rêve, mais c'est définitivement très présent dans mes créations. L'idée un peu de que l'œuvre serve d'une pause dans la frénésie du monde, on prend une pause quand on est en contact avec l'art que tu nous proposes? Ouais, exactement. Bien, aussi bien que j'utilise des technologies qui sont vraiment de l'ordre du spectacle, puis des technologies de masse, comme justement les jeux vidéo qui sont présents dans toutes nos maisons. Je me sers de cette technologie-là comme un plateau ou un enjoliveur dans lequel je parle de quelque chose qui est beaucoup, qui est très lent, qui est à l'inverse même de la technique, de la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Puis dans ce sens-là, justement, l'idée du jeu vidéo, ça devient un peu l'idée de proposer un carré de sable, un court voyage, dans le fond, à la personne qui va rentrer en contact avec ça. Oui, exactement. Et puis, le jeu aussi est fait dans cet esprit de voyage. C'est ça aussi que j'ai gardé de certains jeux que j'avais vus qui m'avaient touché. Donc, un jeu qui est pas basé, qui a aucune violence, il n'y a aucun game over, il n'y a aucun ennemi. Puis le personnage fait tout simplement se déplacer à travers des univers blancs et très minimalistes. Oui, avec justement l'idée de défi, parce que j'ai eu l'occasion de l'expérimenter avant qu'il soit mis en disponibilité sur le web. Il y a quand même une idée de défi. En fait, tout n'est pas nécessairement non plus facile. C'est pas simplement on pèse sur la droite et on arrive. Donc, il y a quand même un côté qui nous ramène à l'idée que ça reste aussi un jeu et qu'il y a des éléments de mécanique. Donc, il y a un côté ludique, il y a un côté défi qui s'ajoute à la volonté artistique de l'ensemble, mais on n'évacue pas la dimension jeu de la chose non plus. Non. C'est de trouver l'équilibre. Oui, tout à fait. L'équilibre entre la complexité aussi de la programmation, puis la simplicité de l'acte créatif. Et comment s'y est pris justement? C'est quoi un peu l'approche au niveau de travail, au niveau de préparation pour réussir justement à trouver la bonne ligne, à bien le doser et à bien après ça mener à terme aussi tout ça? Eh bien, ça s'est fait d'une façon très instinctive, le tout, là. Puisque moi, j'avais jamais fait de jeux vidéo, mais à la Chambre Blanche, j'ai un technicien qui m'est alloué pour une vingtaine d'heures par semaine. Donc, j'ai profité de cette possibilité-là pour faire justement un jeu, me lancer dans quelque chose que je n'aurais pas pu faire seul. Et puis, lui, il avait quelques bases déjà dans le monde du jeu vidéo, donc il a pu un peu... m'aligner comme par quoi commencer. Et puis, dès que j'ai eu, au fond, la première chose que j'ai tracée, c'est le personnage qui bouge à travers le jeu, le personnage principal. Et puis, à partir de là, tout l'univers s'est déployé. C'est avec le look du personnage, on a pu se dire, mais si le personnage est comme ça, ben ça veut dire que l'univers dans lequel il évolue devrait être de telle façon. Mm-hmm. Et après ça, ben, ça a permis d'y aller avec le dessiner le monde, j'imagine, de manière assez intégrale, ou tout s'est passé sur papier avant de passer à la programmation? La plupart des éléments sont passés sur papier avant la programmation. Et puis, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Par exemple, le premier niveau, je l'ai dessiné au cours de ma première semaine de résidence. Puis le deuxième niveau, j'ai dû le dessiner au cours de la troisième semaine. Donc, c'était vraiment... Pour s'assurer que la mécanique fonctionnait, que la piste était bonne, dans le fond. Oui, ouais, parce que c'est sûr que si on programme l'ensemble, après ça marche pas comme on veut, ben Donc c'est vraiment y aller un pas à tâtons aussi, instinctivement à tâtons, prendre le temps de faire les choses. Ouais, exactement. Et à ça, justement, il y a des éléments qui sont sérieux, méditatifs. Il y a un petit côté ludique aussi qu'on rajoute. Dans le fond, c'est pas un jeu qui se prend au sérieux non plus, en fait, comme un pape. Ouais, non, ça aussi, c'est important de garder un esprit un peu plus léger, avec quelques petits éléments animés, un peu... très ludique, justement, là, d'un soleil qui tourne en rond, ou des fleurs qui poussent, ou... Il y a un côté croquis dans les dessins, puis un côté bon enfant, si on peut dire, qui en ressort un peu aussi de ça. Ouais, puis ça, c'est définitivement aussi important dans ma démarche, de garder un côté d'émerveillement, en fait. De garder de travailler, en fait, cet esprit de... je pourrais dire... que les enfants ont en eux. Donc, l'esprit de l'émerveillement, définitivement. Et c'est à mettre en lien aussi, parce que si on fait le parallèle avec une production récente qu'on avait l'occasion de voir à la Chambre Blanche, je pense qu'elle y est quand même toujours sombre. Mais il y a plus d'expo, mais c'était des vidéos à trois tridimensionnelles, donc c'était vraiment un autre axe. On restait dans le méditatif, mais là, à trois dimensions dans le jeu, c'est beaucoup plus interactif, mais à deux dimensions, donc on joue quand même aussi avec le type de médium technologique qu'on choisit d'explorer. Ouais. Exactement. Et puis, ces vidéos-là aussi, elles ont été faites au cours de l'année de cet été, en septembre 2012. Et puis, c'est toujours dans cet esprit-là, ça reste super contemplatif, méditatif, c'est des choses qui respirent. Et puis, même les certaines scènes du jeu vidéo, on a presque envie de s'y arrêter, d'arrêter le personnage et de simplement regarder les éléments qui sont présents. C'est quelque chose de... Et en même temps, je trouve que le métissage vers le jeu, justement, est intéressant dans la mesure où ce qui arrive, évidemment, quand on est observateur d'une œuvre, que ce soit une œuvre vidéo en mouvement ou une œuvre fixe, on reste passif devant cette œuvre-là. Donc, il y a une interprétation, il y a une réflexion, mais on n'a pas d'interaction directe ou ça arrive peu souvent. Dans ce qu'avec le jeu, ben, ça présuppose aussi l'interaction. Mm-hmm. Et j'imagine qu'au niveau de la conception, il faut partir aussi avec cette idée-là au départ. Il faut qu'il y ait une interaction. Il faut que cette interaction-là fonctionne, et on bâtit autour de l'idée d'interaction aussi, qui est la base même du jeu vidéo. Oui, exactement. Puis ça, c'est aussi un élément que je veux continuer à travailler, l'idée de penser beaucoup à la présence du spectateur dans l'œuvre. Donc ça peut aussi être très vaste. Ça peut aller même jusqu'au documentaire, par exemple. Donc, de jouer un peu avec l'interaction, dans le fond. Oui, puis vraiment, pas tout simplement l'interaction, mais comment que le spectateur peut s'intégrer même à l'œuvre, à une œuvre. Et d'ici là, Stéphanie Grenier, il y aura le jeu vidéo, donc Les Ailes de Camille, qui, je le disais, va être disponible en téléchargement dès le 21 décembre. Donc, on invite les gens à aller l'essayer. C'est un programme, j'imagine, assez léger, qui a été pensé aussi pour pas être trop lourd, trop... Oui, exactement, puis il va être... téléchargeable même sur les PC aussi, je pense, les iPads, et ça va être disponible sur le site de la Chambre Blanche à compter de vendredi, puis il va rester hébergé sur le site durant 6 mois. Donc quand même, on a le temps d'en profiter, de le diffuser, puis ouais. Donc on le prend comment, est-ce que vous voulez qu'on l'envisage d'abord comme un objet ludique, comme un objet artistique, comme une pause, le côté méditatif, qu'est-ce qu'on met de l'avant quand on parle de ce jeu-là, c'est quoi l'aspect central peut-être des Ailes de Camille? Eh bien, c'est quelque chose que je désire que les gens prennent avec le sourire et avec plaisir, vraiment. Alors, enfin, on profite d'une le côté ludique qui est essentiel, dans le fond. Oui, voilà. C'est ça. Et je rappelle le site de la Chambre Blanche. En fait, c'est www.chambreblanche.qc.ca pour avoir accès à ce jeu à compter de vendredi. Et Stéphanie Grenier, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Et on passe avec un dernier extrait de Kid Fear Dive, donc What the Five, sur les ondes de CKRL. Thank you. Alors voilà, donc dernier extrait de l'album éponyme de Kid Fur Dive. C'est une sélection audio de Simon Roy et des sélections qui sont disponibles en téléchargement gratuit et les liens seront sur l'aérospatiale.wordpress.com un peu plus tard aujourd'hui. Sinon, à l'agenda, en route vers la pause estivale, eh ben plusieurs expositions qui se terminent incessamment, notamment la Galerie Lacerte, on en parlait tout à l'heure, Francine Simonin, qui se termine le 23 décembre. Également l'exposition de Christian Messier, Les Illuminés, qui se poursuit jusqu'au 23 décembre, ça c'est chez Morgan Bridge. Vous avez par ailleurs donc quelques installations, expositions et autres qui se poursuivent jusqu'en janvier, notamment sur les heures d'ouverture du Palais Montcalm, il y a Fanny Ménard avec Petit Volant Dormant, ça c'est jusqu'au 16 janvier prochain. Et évidemment, des expositions dans les institutions elles, sont ouvertes et se poursuivent pendant la pause, notamment au Musée national des beaux-arts du Québec, les arts en Nouvelle-France, arts et nature au Moyen-Âge, la cité performative et autres, et également au Musée de la civilisation avec les arts du Nigeria. Donc, des expositions qui se terminent l'an prochain. Et nous, justement, on se dit à l'année prochaine. C'est la dernière donc de l'aérospatiale pour 2012. L'émission sera de retour en 2013 et en bonus avec son animatrice régulière Julie Gagné, qui sera de retour donc à la mi-janvier ou aux alentours de la mi-janvier. On vous invite à suivre le blog, évidemment, pour avoir nos menus et les éléments qui s'en viennent. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous au fil de ces dernières semaines. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. C'était Raymond Poirier au micro, Jacques Gignac à la mise en onde et on vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon temps des fêtes sur les ondes du 89.1.